50e chapitre. La ville de Casbin. Le palais et les jardins. Découverte d'un ancien cimetière. Les dellals. Le climat. Les produits. La mosquée royale. Les hadjis. Le gouverneur de Casbin. Le lendemain matin, nous quittâmes Kishlik. Et après 4 jours de marche, la caravane arriva à Casbin. Ou Casbin. Note, on écrit aussi Casbin, de même dit Tabriz et Tauris. L'orthographe des noms persans diffère souvent. Fin de note. Jadis capitale, cette ville se trouve à la bifurcation de plusieurs routes dont l'une mène à Tabriz. C'est par cette voie que l'on expédie au Caucase la plupart des produits du pays. À la fin de l'hiver et avant la fonte des neiges, les nombreuses caravanes qui s'y croisent donnent à Casbin une animation extraordinaire. Les caravansérails regorgent de monde et de marchandises. Les muletiers ne marchent que pendant 4 jours consécutifs. Ils laissent reposer leurs bêtes le 5e et s'arrangent de manière à ce que cet arrêt ait lieu dans les villes situées sur leur passage. Vu sa position, Casbin est une étape des plus fréquentées. Nous nous y arrêtâmes, car c'était le jour de halte réglementaire. Il est difficile de se faire une idée du vacarme et du tohu-bohu extrême qui règne dans la cour d'un caravansérail lorsque plusieurs caravanes y arrivent simultanément, surtout quand les bêtes de somme sont nombreuses. Les djellodars et les tchargwadars arabes, turcs, persans, parlant un idiome différent, crient à tue-tête, gesticulent et se débattent à qui mieux mieux. Au milieu d'eux sont les mulets, les uns déchargés et se roulant dans le fumier et la paille hachée dont le sol est jonché, tandis que leurs compagnons, moins favorisés et désireux d'en faire autant, tâchent de se débarrasser de leur fardeau, ce qui porte le désordre à son comble. Pendant ce temps, les voyageurs, harassés par une traite qui a duré toute la journée et impatients de se reposer, veulent immédiatement s'installer, quoiqu'il n'y ait plus la moindre place libre. De là, cris, protestations, scènes tumultueuses dans le but de voir leurs désirs réalisés, ce qui est d'autant plus difficile que les nouveaux venus exigent, comme ceux arrivés avant eux, être casés avec leurs nombreux ustensiles de ménage. Blotti au fond de ma kedjavé, placé dans un coin de la cour du caravansérail de Casbin, pour être à l'abri des bousculades involontaires dont je n'aurais pu me préserver, j'observais ce spectacle vraiment curieux. Depuis plusieurs heures déjà, j'attendais dans cette situation incommode que le sort décida de nous. Je commençais à m'inquiéter sérieusement au sujet de notre logement de nuit, lorsque l'Arménien, mon bienveillant protecteur, aperçut un de ses amis qui lui offrit une de ses maisons vides, à proximité du caravansérail. Il accepta avec empressement et nous nous y installâmes pour passer notre jour de repos. J'en profitai pour visiter la ville dont les rues sont étroites et non pavées. Casbin, environnée de tous côtés de grands jardins, s'élève dans une plaine fort étendue en longueur. Exclusivement habitée par des indigènes et quelques Arméniens, elle présente cet aspect stationnaire commun aux villes orientales et l'on n'y voit aucune tendance vers le progrès ou la moindre transformation. Ses minarets et ses coupoles dominent les ruines. Les restes de l'ancienne métropole n'ont jamais été relevés par les successeurs des souverains qui en avaient fait leur résidence. On voit sur les murs de briques écroulées des traces de splendides mosaïques. À côté de ces débris, on a construit de modestes habitations. En Perse, on ne relève guère ce qui est tombé. On bâtit à côté. Casbin a eu le sort des autres capitales délaissées. Il y avait dans toute la ville qu'un seul étranger, arménien, sujet russe, inspecteur du télégraphe indo-européen. Note. Le père de ce jeune homme, artiste peintre, ayant envoyé à Nasser Eddin un portrait de l'empereur Alexandre II, fut appelé à Téhéran où il resta 4 ans. Pendant ce temps, il ne fit d'autres portraits que ceux du Shah. À sa mort, il en laissa une nombreuse collection. Fin de note. Le bureau de cette ligne, ainsi que celui du télégraphe persan, sont établis dans l'ancienne résidence royale. Cet édifice, jadis grandiose, bâti sous le règne de Nadir Shah, est situé au bout d'une allée plantée d'arbres magnifiques. L'entrée principale, avec sa voûte enrichie de faïences émaillées, est monumentale. Le vaste jardin, arrosé par des rigoles artificielles, qu'alimente une fontaine, est orné d'un pavillon flanqué d'une tour d'où l'on jouit d'une fort belle vue. Les briques de l'ornementation extérieure ont été enlevées en beaucoup d'endroits. Note. Les briques vernies, polychromes et à dessin en relief qui ornent les façades des anciens palais et des mosquées étant d'un beau travail, on les enlève à la dérobée pour les vendre. C'est ce qu'explique comment on en voit dans les magasins d'objets orientaux en Europe, à Paris, etc. Le gouverneur de la province occupe la partie restaurée de ce palais. Depuis la dernière famine, la population de Kasbin a considérablement diminué. Elle ne s'élève plus qu'à 20 000 âmes. Les champs de repos dans lesquels on voit un grand nombre de pierres funéraires, la plupart en marbre jaunâtre transparent, provenant des carrières d'Ormia, indique que Kasbin a dû être beaucoup plus peuplé. Quelques mois avant mon passage, on avait découvert un cimetière arménien à peu de distance de la ville, du côté des montagnes de Karzan. C'est en défrichant un terrain traversé par un cours d'eau, sur les rives duquel plusieurs moulins sont établis, qu'on avait trouvé des pierres tumulaires, quelques-unes en marbre blanc, d'autres en marbre noir ou jaspé, des deux couleurs, portant des inscriptions dont plusieurs indiquaient le millésime de 1102. Les bazars de Kasbin sont spacieux, mais fort mal propres. La plupart tombent en ruine. Pendant mon séjour, les boutiques étaient fermées à cause de la fête du Nowrouz. Comme à Téhéran et dans toute la Perse, ce repos férié dure 15 jours. Pour les collectionneurs et amateurs d'objets anciens, Kasbin offre de grandes ressources. Mais ce n'est pas au bazar qu'il faut chercher ces articles. On doit recourir au Delal qui les déniche chez les particuliers et en fait le commerce. Malgré le manque d'eau, le territoire de Kasbin est fertile. Une fois chaque année, la campagne est abondamment arrosée par un ruisseau qui déborde à la fonte des neiges. Note. Delal, courtier, est un personnage caractéristique que l'on rencontre partout en Perse. On le retrouve un peu dans nos acheteurs d'antiquités ou de bric-à-brac qui vont fouiller la campagne pour y découvrir chez les paysans les crédences enfumées, les baptistères boiteux, les coffres disloqués, les émaux cloisonnés couverts d'une épaisse couche de poussière grasse, les plats ébréchés, les aiguières fêlées, etc., etc., qu'ils font habilement restaurer pour les revendre ensuite à prix d'or aux amateurs. Fin de note. Le climat est tempéré, moins torride qu'à Téhéran, la chaleur la plus forte et de 42 degrés centigrades à midi et au soleil. En hiver, la température est de 12 à 16 degrés le matin au lever du soleil et à midi de 18 à 20 degrés. Le pays produit surtout des fruits. Les pistaches et les amandes y abondent. Réputés les meilleurs de la Perse, on les exporte. Le raisin y est à bon marché. Il se vend ordinairement à 4 sous le petit Batman, poids équivalent à environ 7 livres russes. Note, le grand Batman vaut le double. Fin de note. Le raisin sec est exporté en Russie au prix approximatif de 6 sous le petit Batman. Le vin, surtout le blanc, est excellent. Il coûte de 10 à 12 sous la bouteille. Le coton donne de riches récoltes au prix de 2 crans le Batman. Les gâteaux que l'on y fait sont renommés. Ils tiennent la place d'honneur parmi les sucreries dont on garnit les plateaux. La pâte est un mélange de riz broyé, de sucre et de beurre. Un des monuments les plus remarquables de l'ancienne capitale est la mosquée du Chat. Bijou artistique orné de faïences magnifiques, cet antique édifice s'élève au milieu d'une cour ornée d'une vasque de forme gracieuse. Vis-à-vis de l'entrée voûtée de la mosquée se trouve une autre porte enrichie de très belles mosaïques. Les mollahs, logés dans les cellules autour de la cour et attenant au local qui sert d'école, interdisent poliment aux chrétiens de passer outre. Cette mosquée sert aussi de refuge aux coupables que l'autorité poursuit. À en juger parmi les nombreuses inscriptions que l'on voit sur les portes basses de ces maisons, Kasbin compte un grand nombre de hadji parmi ses habitants. Il est d'usage que tout fidèle qui a accompli un pieux pèlerinage expose avec orgueil, aux yeux de ses concitoyens, cette preuve de dévotion en faisant graver sur une pierre, placée à l'entrée de sa demeure, un verset du Coran, son nom et celui du lieu saint qu'il a visité. Une relique sacrée, fort précieuse, objet d'une grande vénération dans le monde musulman, est conservée dans une ancienne mosquée. C'est une pierre sur laquelle on voit l'empreinte de la main d'Ali, gendre de Mahomet. On prétend que, voulant donner une preuve de sa puissance surnaturelle à ceux qui refusaient d'y croire, Ali posa sa main sur un fragment de marbre qui conserve la trace ineffaçable de ses 5 doigts. Les fidèles s'arrêtent en passant devant la grille derrière laquelle se trouve la relique. Les uns touchent 3 fois les barreaux avec la main qu'ils se passent à autant de reprises sur la figure. Les autres s'inclinent et posent leurs lèvres sur les murs de la mosquée. D'innombrables ex-voto, consistant en morceaux d'étoffe de tout genre et de couleurs variées, sont attachés à la grille de fer. Le poste de gouverneur de la province de Kasbin est fort recherché. En Perse, n'est pas gouverneur qui veut, mais bien celui qui, pour le devenir, peut, comme on l'a vu, payer une forte prime. Mise, pour ainsi dire, à l'encan, la place est adjugée au plus fort enchérisseur. Suivant l'usage en vigueur, lorsque Sa Majesté a besoin d'argent, elle destitue ses fonctionnaires. Note, lorsqu'il projeta son second voyage en Europe, Nasser Eddin mit ainsi aux enchères le gouvernement de la province de Shiraz. Un personnage lui offrit un Peshkesh de 40 000 tomans, 400 000 francs, que le souverain accepta. Un second lui fit hommage pour le même poste de 30 000 tomans, 300 000 francs, que le chat encaissa également. Mais deux gouverneurs de la même province ne pouvant exister à la fois, le premier fut nommé et le second attend peut-être encore. Fin de note. Le gouverneur de Kasbin que je vis remplissait ses fonctions depuis 4 ans. Il arrive rarement qu'un de ses hauts dignitaires conserve aussi longtemps cet emploi. Mais c'était grâce au Moudarel, souvent renouvelé, que Moutchoulib Mirza Azad ed-Daoulé, l'aide de l'Empire, s'y était maintenu. Ce prince, 40e fils de Feth Ali Shah, était en même temps grand-oncle et beau-père de Nasser Eddin, qui avait épousé une de ses filles. Note. À la mort de son père, qui avait eu 300 femmes, il lui restait 10 frères plus jeunes que lui et 50 sœurs. Fin de note. Moudjouli Mirza occupait pour la seconde fois le poste de Kazbin. Il avait été envoyé dans la province d'Azerbaïdjan, mais il était revenu à Kazbin après avoir offert à son gendre un cadeau proportionné à la faveur qu'il sollicitait. Peu de temps avant mon arrivée, le chat avait voulu destituer encore une fois son beau-père, mais celui-ci, ayant eu connaissance de la chose et habitué d'ailleurs à ses alternatives de caprices intéressés, avait envoyé aussitôt une dépêche télégraphique à Téhéran promettant de verser sans retard 2000 tomans, 20 000 francs, à la cassette royale. Le chat Incha se laissa toucher et fit don à son parent comme témoignage de l'assurance qu'il ne serait pas destitué pendant l'année d'un magnifique halat, le sixième vêtement d'honneur que l'aide de l'Empire avait eu depuis un an et demi. Ces cadeaux indiquent à peu près le montant des sommes que le beau-père avait envoyées aux gendres pour se maintenir jusque-là dans ses bonnes grâces. Moudjouli Mirza m'invita à visiter le jardin et les dépendances du palais dont il me fit les honneurs en l'absence de sa femme, sœur de l'ex-grand vizir Haji Mirza Hussein Khan. On me servit des rafraîchissements dans le biroun. En souvenir de ma visite, le gouverneur m'offrit sa photographie qui le représente entre deux de ses ferrages. Il a quelques ressemblances avec Nasser Eddin Shah. Le soir, il m'envoya des tchérinis et un beau chevreuil comme provision de route. Le lendemain, dès l'aube, la caravane était prête pour le départ. Fin du 50e chapitre.